Chapitre 24e. En s'éveillant, fraîche et reposée, Miss Escort ne manqua pas de se faire de vifs reproches au sujet de ses sentiments de la veille à l'endroit des élus et de prendre pour l'avenir les meilleures résolutions. Ses pauvres chères sœurs, pourquoi persistait-elle leur demander ce qu'il n'était pas en leur pouvoir de donner, amour, sympathie, confiance, sincérité, etc., et se laisser éternellement découragés par leurs petits travers. Qui n'a les siens? Elle-même, Anna, en était-elle affranchie plus qu'une autre? Est-ce ainsi qu'elle pratiquait cette vie de charité et d'abnégation, cette vie idéale qu'elle avait tant ambitionné d'embrasser? Elle trouvait la voie difficile parfois, mais l'objection? S'il n'y avait point de difficulté à vaincre, où serait le mérite? Avec les ablutions matinales, son courage et ses belles résolutions montèrent. Plus de faiblesse, se dit-elle, nouant énergiquement le ruban de sa ceinture. « Plus de défaillance, plus de lâcheté, il faut bien faire, quoi qu'il en puisse coûter. » Elle descendit au jardin, et tout en parcourant les allées ombreuses, elle prenait vis-à-vis d'elle-même des engagements définis. Non seulement elle ne se laisserait plus tourmenter à l'avenir par des bêtises telles par exemple que la gloutonnerie de la Fräulein, l'insatiable curiosité de la baronne, les petites manies égoïstes de la Treumann, mais elle prendrait en patience même la froide hostilité de l'une, les mensonges, les intrigues et complots de l'autre. Ce n'est pas tout. Supporter bien, agir est mieux. Or, il y avait à sa portée une bonne action à faire, établir l'entente cordiale entre ses invités. Les élus, hélas, ne s'aimaient pas. Entre la veuve et la baronne, c'était une guerre sourde qui jamais ne s'arrêterait. Ou bien, si elle cessait un moment de se porter des coups mutuels, c'était pour s'unir contre l'infortuné courant au bord. Sur ce point unique, leur unisson était parfait. Plus d'une fois, Anna avait vu la pauvre fille quitter la place tout en larmes, mise en déroute par leurs mystérieuses attaques. Elle avait grandement à cœur de voir changer un état de choses si pénible, sans avoir trouvé jusqu'ici le courage d'intervenir. Ce matin, elle prit une résolution valeureuse. Elle rétablirait la paix entre les belligérantes. Peut-il y avoir bonheur plus grand que de vivre ensemble en bonne harmonie? Certainement, il suffirait de les raisonner un peu pour qu'elles le reconnussent. Ayant tant souffert elle-même, elle ne voudrait pas manquer sciemment à la charité. Quelques mots d'avertissement leur ouvriraient les yeux. Elle revint sur ses pas, alla frapper à la porte-fenêtre du salon. Elle frappa plusieurs fois. Mais la baronne et Frau von Treumann, chacune décidée à ne pas se lever si l'autre restait assise, ne bougèrent pas plus que deux souches. Le soleil dardait ses rayons sur la tête nue d'Anna, allumant de fauves reflets dans sa soyeuse chevelure. Elle était charmante ainsi, protégeant son front de ses mains blanches et dessinant sur le fond de verdure une gracieuse silhouette dans son élégante robe de batiste mauve tout enjolivée de Valenciennes. Ne recevant pas de réponse, elle rentra par le vestibule. « Comment, vous étiez là ? » s'écria-t-elle, surprise, s'arrêtant à la porte du salon. « C'est vous, mignonne ? » s'écria la Treumann. « Très aimable. On vous voit donc un peu ? Allons, venez vous asseoir là, gentiment, et causons, » lui faisant place à côté d'elle. « Où donc est Émilie ? » demanda Anna. Émilie n'était autre que Fräulein Kuhrauber, que Miss Escort était seule à Kleinwalde, appelée par son nom de baptême. Elle est entrée un instant, mais elle est repartie tout de suite, dit Frau von Treumann. Ah, je le crains, la pauvre fille ne se sent guère à son aise avec nous. C'est justement de cela que je venais vous parler, dit Anna. Vraiment, c'est très curieux. Imaginez-vous qu'hier, pendant notre longue veille, avec un regard de reproche, nous avons eu, la chère baronne et moi, un entretien très sérieux au sujet de cette personne, précisément. Et nous sommes demeurés d'accord que notre devoir nous oblige à vous avertir. Notre devoir strict, ajouta la baronne. Il est étrange, je dois le dire, que la princesse Ludwig n'ait pas cru devoir le faire. Vraiment surprenant, fit la baronne. Elle aurait dû, oui, je le dis à regret, elle aurait dû vous ouvrir les yeux. Ils sont très ouverts, je vous assure, et je vois très clairement que vous n'êtes pas, comment dirais-je, aussi indulgente que je le désirais pour la pauvre Émilie. Vous savez, je le crains, aucune affection pour elle, ma chère Anna. Qui donc pourrait éprouver de l'affection pour Fräulein Kuhrauber ? Ou seulement la supporter ? Appuya la baronne. Pour moi, Je n'ai jamais vu créature plus douce, plus inoffensive, plus affectueuse, s'écria Anna. Et pourtant, cette créature vous trompe, articula Frau von Treumann. Nous avons découvert qu'elle s'est introduite ici sous de fausses couleurs, continua la baronne, ce qui, prononça Frau von Treumann, posant sur elle un œil de basilic, est une chose absolument indigne. Il ne peut y avoir deux opinions à ce sujet, fit l'autre. Eh bien, dit Anna, les regardant alternativement, puis se remémorant ses résolutions. Devinez pourquoi je venais vous parler, ajouta-t-elle avec un sourire navré. Je voulais vous demander, comme une faveur personnelle, de prendre la pauvre Émilie en patience, de tâcher de l'aimer un peu. Vous l'avez fait pleurer souvent. Elle sort constamment d'ici les yeux rouges. Est-ce que vous ne pourriez pas l'épargner un peu désormais? Voyons. Tâchez de voir ce qui est bon et aimable en elle, et d'oublier les travers qu'elle peut avoir. Nous pourrions vivre si heureuses ensemble, si vous le vouliez. « Ma chère Anna, s'écria Frau von Treumann courroucée, comment voulez-vous que les personnes bien nées et bien élevées supportent cet être-là ? » « Absolument impossible, fit la baronne. « Et pourquoi ? N'est-elle pas femme comme nous ? N'a-t-elle pas souffert elle aussi ? Ne l'ai-je pas trouvée pauvre, isolée et malheureuse ? Et croyez-vous qu'elle n'aura pas sa place au ciel, comme nous l'aurons nous-mêmes ? J'en ai la ferme confiance. « Puissions-nous nous retrouver au ciel un jour, par la grâce divine ?» fit la Treumann, levant un regard pieux vers le plafond. « Mais en attendant, j'accomplirai mon devoir, tout mon devoir. » « Je suis forcé de vous demander, dit Frau von Treumann à la baronne, si vous savez quelle situation occupait le père de Kuroba, son père ?»« C'était un homme de lettres, » dit Anna, se rappelant les termes précis de la réponse de la Fräulein. « Ah ah !» fit la baronne avec un éclat de rire strident. « Elle a voulu nous en donner à garder aussi de cette façon. » « Un homme de lettres, » reprit Frau von Treumann. « Oui, mais de quelles lettres ?»« De quelles lettres ?» répéta Anna, surprise. « Toutes celles dont il s'est jamais occupé étaient dans son sac, » s'écria la baronne. « Son sac, ma chère petite. C'était un simple facteur, un piéton, un facteur des postes, ni plus ni moins. » articula nettement Frau von Treumann. « Elle vous a abreuvé de mensonges. » Il eut un silence. Du bout fin de son soulier, Anna poussa un tabouret qui se trouvait devant elle. « Ce n'est pas beau, les mensonges » murmura-t-elle enfin, les yeux sur le tabouret. « Ah non !» s'écria la baronne en frissonnant. « Dans un cas comme celui-ci, surtout !» ajouta Frau von Treumann. « Oui, surtout dans un cas comme celui-ci » dit Anna, levant son regard pensif sur elle. « Nous avons cru devoir vous avertir. » Certaine que vous seriez révoltée comme nous. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas, qu'il est impossible que des femmes bien nées vivent sur un pied d'égalité avec cette fille, et vous allez la renvoyer sans tarder. Non, fit doucement Anna. Comment non, cher enfant, interrogea Frau von Treumann. Je ne puis pas la renvoyer. Vous ne pouvez pas la renvoyer, s'écrièrent les deux autres d'une seule voix. L'ouvrage leur tomba des mains. Elles contemplèrent Anna d'un air ahuri. Celle-ci demeurait les yeux fixés sur son tabouret. Auriez-vous, par hasard, promis à cette malheureuse de la garder pour la vie ? Demanda Frau von Treumann d'un ton fort âpre, car il n'avait été passé aucun contrat de ce genre avec elle. Je m'explique mal, répondit Anna, les regardant bien en face. Ce n'est pas matériellement que je suis empêché de le renvoyer. Je le puis, bien entendu, si cela me convient. J'aurais dû dire, je ne veux pas la renvoyer. Il y eut une pause. Ni l'une ni l'autre des deux dames ne s'attendait à cette conclusion. Voilà qui devient sérieux, murmura Frau von Treumann. Reprenant son ouvrage, elle se mit à faire rageusement des nœuds à son fil. Toutes deux s'étaient crues assurées de l'indignation d'Anna lorsqu'elle apprendrait l'horrible vérité. Indignée, certes, elle le paraissait, mais chose incompréhensible, on eût dit que cette indignation se portait contre elle. Elle qui voulait la protéger, la sauver d'un contact indigne et non pas contre la coupable. Que faire? Et comment sauver, garder sa dignité? Frau von Treumann, perplexe et irritée, se rappela le cri du cœur de Karlchen, surtout pas d'ultimatum, et souhaita se l'être rappelé plus tôt. Pourquoi avait-elle sottement prononcé le mot impossible? Mais aussi, comment imaginer qu'Anna se montrerait si déraisonnable, si ridiculement obstinée? Il veut t'appeler la police !» cria soudain la baronne, frémissante, tout l'orgueil des Albrecht en armes à l'idée de continuer à vivre sur un pied d'égalité avec la fille d'un noble facteur. « Vous aviez stipulé qu'on serait de bonne naissance. Vous en aviez fait une condition indispensable, vous l'aviez dit, je m'en souviens, je l'ai par écrit. Il s'est introduit ici par une fraude indigne. Vous en avez la preuve dans ses propres lettres, elle tombe sous le coup de la loi. » Anna ne put réprimer un sourire. « Ne la dénoncez pas, » fit-elle. « Je serai trop désolé que la loi va mettre son nez chez moi. Je brûlerai ces fameuses preuves tout à l'heure. » Puis se tournant vers Frau von Treumann, « Réfléchissez, » dit-elle. « Je suis sûr que vous ne désirez pas au fond que je me montre sans pitié pour la pauvre Émilie uniquement parce que son père, qui est d'ailleurs mort depuis des années, ne fut qu'un modeste fonctionnaire. Mais Anna, il faut pourtant être raisonnable. » Regardez les deux côtés de la question. Jamais on n'a vu une Treumann fréquentée. Mais pourquoi ne pas supposer que feu Courant-au-Bord fût un parfait honnête homme, le modèle des facteurs, ponctuel, diligent, priant Dieu et menant une vie pure, faisant son devoir tout le long du jour, suggéra Anna conciliante. Alors tout vous est égal, cria la baronne d'une voix suraiguë. Vous ne reconnaissez aucune borne, aucune ligne de démarcation. Vous vous proclamez purement et simplement anarchiste. Oh, loin de là. Il y a, au contraire, beaucoup de choses qui me sont extrêmement pénibles. Les mensonges, par exemple. Je ne les aime pas, je ne les aimerai jamais. Mais j'aime ma pauvre Émilie et j'entends la garder. Vous entendez la garder? Oui, tant qu'elle désirera rester. D'ailleurs, vous lui aurez rendu un réel service, ajouta Anna en souriant, car maintenant qu'elle n'aura plus rien à cacher, elle pourra être heureuse du matin au soir. La baronne plia son ouvrage d'un geste sec et se leva. Frau von Treumann, la regardant avec inquiétude, se leva également. « En ce cas, » fit la première, pâle d'orgueil outragé. « En ce cas, vraiment, » fit l'autre, maudissant tout bas cet ultimatum intempestif. Une catastrophe était imminente. Anna s'était levée aussi, grande et fière, et attendait en silence leurs derniers mots. Ses sœurs allaient-elles vraiment toutes deux lui rendre leur tablier? Droite comme un nid, ses yeux pâles lançant des éclairs de colère, la baronne ouvrit les lèvres pour parler et se tut. Son agitation faisait pitié. Elle pressait convulsivement ses mains sèches l'une contre l'autre pour en dissimuler le tremblement et cherchait vainement par quels mots, quels reproches elle pourrait annihiler celle qui avait osé attenter à l'orgueil des Elmreich. Cet orgueil, qui était son seul soutien, qui avait grandi, colossal, hors de toute proportion, à mesure qu'elle devenait plus vieille, plus pauvre et plus misérable. Mais en même temps, elle se rappelait comment elle s'était parfois trouvée affamée et sans pain, congelée jusqu'au moelle et sans feu, malade et abandonnée de tous. Faudra-t-il donc affronter de nouveau tout cela, retomber seule dans ce monde cruel, si dur aux pauvres et aux malheureuses? Prenant son courage à deux mains, pourtant, elle allait parler lorsque la porte s'ouvrit brusquement et sans être annoncée, le jeune von Treumann, resplendissant dans sa tenue de hussard rouge, chamarré, frisé, pomponné, doré sur toutes les coutures, fat et souriant, fit soudain irruption dans le salon avec un cliquetis martial de sabre, gourmette, sabre taché et éperon. « Karlchen, du engelsgute Junge !» ange du ciel, glapit sa mère éperdue de joie. « Je ne pouvais plus y résister, » répliqua le vaillant jeune homme, lui rendant ses baisers avec une chaleur inaccoutumée. « Il m'a fallu venir. J'ai obtenu à grand-peine une courte permission, quelques heures seulement. Je rentre ce soir. Vous me pardonnez tant d'audace ?» se tournant vers Anna et s'inclinant jusqu'à terre avec un long regard. « Je vous pardonne, » fit-elle souriante en lui tendant la main. Il arrivait à point cette fois. « Pas plus tard que ce matin, je t'écrivais pour te dire... » commença Frau von Treumann, mais elle s'arrêta court et se mordit la lèvre. Cependant, Karlchen sentait sa tête tourner devant la cordialité d'Anna. Elle lui souriait comme jamais elle ne l'avait fait. Elle avait des fossettes aux joues, de délicieuses, d'adorables fossettes, et quelles dents! Il saisit la main qu'on lui tendait et y pressa ses lèvres beaucoup plus longtemps que l'usage ne le commande. La jolie main, si blanche, si douce, si délicate, une peau de soie, et sa toilette! Karlchen était très expert en chiffon. Quelle ravissante harmonie de teinte! Vous êtes trop bonne, vous me comblez, murmura-t-il, et son œil langoureux prit une telle expression de fatuité qu'Anna ne put s'empêcher de rire. Elle convint par soi que l'uniforme du sar est vraiment saillant. Jusqu'ici, Carlton avait comparu en civil. Et la coupe de ses habits avait été un lamentable exemple de l'impéritie des tailleurs de régiment. Mais, promenant autour de lui un regard vainqueur et rebroussant sa moustache, le jeune officier aperçut la petite Elmreich, toujours debout et rigide à la même place. « Ah, baronne ! » s'écria-t-il. Joignant les talons, il salua tout d'une pièce. Puis, traversant le salon pour se rapprocher d'elle, « Je suis chargé de mille et un compliments pour vous, » articula-t-il à voix très haute. « Des compliments ! » répéta froidement la baronne. Mais une expression de terreur folle passa tout à coup dans son œil terne. Carlton n'était pas tout à fait décidé en arrivant. Il ne savait pas s'il parlerait ce jour-là. Mais il se sentait si transporté d'aise qu'il se lança soudain en plein eau. « J'ai passé hier la soirée au Wintergarten, » continua-t-il, « et j'ai beaucoup causé avec votre sœur, la baronne Lolly. Elle est toujours d'une agilité surprenante, épatante, parole d'honneur. Elle a un pas d'une hardiesse. » Il éclata de rire. « Enfin, elle est ravie de vous savoir ici, vous envoie ses amitiés et se propose de venir vous voir un de ces quatre matins. » La baronne, rigide et blême, demeura d'abord comme changée en pierre. Puis elle poussa un gémissement douloureux, tourna sur elle-même et, ouvrant tout grand ses deux bras, tomba tout de son long sur le tapis, pareil à une morte.